Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Instant Éco, le rendez-vous économique de Radio Fadjet. Et comme la semaine dernière, nous sommes délocalisés au lycée Georges Latour à l'occasion de la journée d'apprentissage du BTS Profession Immobilière pour parler immobilier avec nos invités, Monsieur Sisla qui représente le groupe Batigère Nancy, Monsieur Colin qui est directeur du cabinet Itimo Syndic Parisien, Monsieur Dieudonné qui représente la chambre syndicale FNAIM, Monsieur Ragon responsable de l'espace de coworking Le Verger à Nancy et Monsieur Suti qui représente le groupe CBRE spécialisé dans l'immobilier professionnel. Alors bienvenue dans l'Instant Éco. Bien, donc la semaine dernière, nous avons abordé donc l'impact de la crise sanitaire sur l'immobilier résidentiel, mais aussi sur l'immobilier professionnel. On a vu effectivement la montée en puissance du télétravail avec un impact sur l'immobilier de bureau. Et nous avons vu également l'éclosion d'une nouvelle forme effectivement d'immobilier, c'est donc le coworking. Alors nous avons parmi nos invités, Monsieur Colin, vous avez participé à une étude sur la mutation de l'immobilier professionnel. Est-ce que vous pouvez confirmer les propos qui ont été tenus par Monsieur Suti, qui représente l'immobilier de bureau, et Monsieur Ragon, le coworking, notamment au niveau national, cette mutation de l'immobilier professionnel? Alors effectivement, dans le cadre de nos travaux, c'est ce que l'on a constaté. Donc je confirme les propos qui ont été tenus sur l'étude que l'on a réalisée auprès de professionnels de l'immobilier, mais de sociétés, de dirigeants qui ont été confrontés, comme nous tous, au confinement et aux difficultés de se rendre sur leur espace de travail. Sur les deux points que l'on a évoqués, une forte mutation sur les espaces de travail et également sur la vision du monde du travail. Donc sur la partie, je dirais, un peu plus RH et collaborateurs. Sur la partie espace de travail, on a constaté que les entreprises ont mesuré à quel point le coût au mètre carré des locations de bureaux pesait dans les charges fixes. Et qu'en l'absence de possibilité de se rendre sur les lieux de travail, les collaborateurs avaient malgré tout la capacité, tant bien que mal, à travailler depuis chez eux. Alors c'est vrai qu'on n'a pas encore un modèle arrêté et idéal, mais on a vu sur les professions immobilières notamment qu'on arrivait quand même relativement bien à continuer de travailler. Donc les dirigeants se sont posés effectivement des questions pour optimiser les mètres carrés. Sous-louer, réduire les surfaces, voire effectivement déménager, parce qu'on parle de vision du monde du travail, et on le constatait déjà, on était aux prémices, le confinement n'a pas tout déclenché, mais on constatait que parmi les nouvelles générations, le temps de trajet et les services que l'on pouvait apporter sur les lieux de travail avaient une grande importance. En matière de service, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'un collaborateur se dirige vers son lieu de travail si depuis chez lui, il a la même disponibilité d'information et capacité à répondre aux demandes des clients? Ça va passer effectivement par se réinventer. Mmh. On a cité notamment dans le cadre des démarches RSE et de services, par exemple, c'est mettre à disposition des bornes de rechargement véhicules électriques, du service de restauration, de conciergerie, presse numérique. C'est convaincre les collaborateurs de venir sur les lieux de travail en créant des espaces un peu plus informels, plus collaboratifs, plus créatifs, pour permettre aux collaborateurs, lorsqu'ils sont sur leur lieu de travail, non pas de faire du présentiel. On est un peu dans une vision d'hier, ce qu'on pouvait un peu appeler le bureau à la papa, et on casse les codes du bureau classique. Alors vous avez parlé de nouvelle génération, on parle de génération Y, donc les attentes de cette nouvelle génération sont différentes de la génération précédente, la génération X? Oui, aujourd'hui, il n'y a plus, si je puis le dire ainsi, de fierté à faire toute sa carrière dans la même société. Et les recruteurs font face, déjà à attirer les talents et à les garder. Puisqu'on le voit aujourd'hui, il y a une forte volatilité des collaborateurs de rester, plus de 2 à 3 ans dans la même entreprise. Donc pour les attirer, il y a déjà une forte politique RH et beaucoup de communication pour les attirer. Mais ça ne suffit pas ou ça ne suffit plus. Il faut leur proposer autre chose que du salaire pour garder ses collaborateurs. Alors ça passe aujourd'hui, on le voit, il y a des labels Great Place to Be ou autres, qui permettent aux entreprises de répondre à des cahiers des charges pour attirer les collaborateurs et, encore une fois, je le répète, pour les garder. Donc on a bien compris que les professionnels de l'immobilier, donc justement bureaux, hein, vont devoir se réinventer. Alors je voudrais revenir un petit peu à l'immobilier professionnel, puisque la semaine dernière nous avons évoqué les ventes records de transactions. Alors monsieur Dieudonné, donc, vous représentez donc les agences immobilières privées à travers donc, le syndicat FNAIM. Alors est-ce qu'il est toujours le moment d'acheter en ce moment ? Certes, les taux d'intérêt sont bas, mais les prix sont quand même à un niveau assez élevé. Alors, si je ne vous dis pas que c'est le moment d'acheter, mes adhérents vont me pendre. Mais non, en effet, c'est toujours le moment d'acheter ou de vendre. Hein, parce que c'est vrai qu'un acheteur, c'est un vendeur qui s'ignore. Et vice-versa, on vend toujours pour certaines raisons, qui sont des mouvements parfois familiaux, professionnels ou autres. Donc, de toute façon, le marché continue à vivre. Voilà. Après, il s'accentue, il est plus ou moins fort. Donc, le moment d'acheter ou de vendre, c'est certain. On l'a dit la semaine dernière. Le niveau des prix, c'est un rattrapage dans la région, donc c'est plutôt rassurant. C'est-à-dire qu'on n'a peut-être pas dépassé des niveaux plafonds, donc peut-être ça peut rassurer les acquéreurs et également les vendeurs de faire ces transactions en ce moment. Alors, on a quand même constaté depuis quelques semaines un ralentissement un petit peu du marché de l'immobilier. Notamment, on évoque les recommandations du Haut Conseil de stabilité financière qui impose aux banques, hein, désormais, de ne pas dépasser un taux d'endettement de 35% et une durée maximale de la durée des prêts de 25 ans. Alors, ces nouvelles recommandations ne vont pas-elles ralentir donc, le marché, notamment pour les primo-accédants ? Elle peut certainement freiner certaines transactions. Alors, même si, là encore, si on reprend les chiffres, le taux d'effort de 35% et d'hier sur des durées de 25 ans représentait 20% des crédits. Donc c'est finalement une quote-part importante, mais qui est assez faible dans le volume. Donc il reste, on revient peut-être sur des adages, malheureusement, on ne prête qu'aux riches et les banques ne sont pas prêteurs sur gage. Donc forcément il faut effectivement dans cette jungle, les personnes sédentaires, stables, auront un peu plus de chance. Mais le marché est ouvert, rural, extérieur, des professions, on l'a vu, avec du télétravail, des nouvelles fonctions peut-être, nouvelles organisations peuvent permettre d'aller sur des marchés peut-être plus souples et confortables. Alors il y a une autre inquiétude cette fois-ci du côté des bailleurs avec notamment la loi climat. Hein, il faut savoir que chaque logement doit être évalué en termes de performance énergétique à travers un DPE, hein, le diagnostic de performance énergétique. Et cette loi climat prévoit d'ici 2034 la sortie du parc locatif des logements qui sont classés E, F et G, qui sont considérés comme des logements énergivores. Alors est-ce que ce n'est pas une inquiétude de la part des bailleurs qui vont devoir cette fois-ci engager des travaux ? C'est une inquiétude pour les bailleurs. Donc là, le professionnel prend tout son sens pour rassurer le particulier. Des démarches ont déjà été entreprises, ça fait un certain temps, avec les bailleurs privés donc, que nous représentons, donc, qui ont, eux, réalisé des travaux. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, il y a urgence de le faire. Ils sont aussi également accompagnés en ce moment avec différents dispositifs, que ce soit ClimAction, MaPrimeRénov, alors même s'ils s'achèvent, si on est en bout de course hein, pour ces dispositifs, mais ils sont présents. Et au sein de la fédération, la FNAIM, du Grand Est, ces cinq grandes régions, on a, par le biais d'un dispositif, fait embauche de 6 éco-conseillers, donc qui permettent d'appuyer les commerciaux et puis les différentes agences, de se former et puis d'accompagner cette transition tout simplement qui s'impose et elle est inévitable. Très bien. On va passer à la première pause musicale de cette émission. Alors monsieur Collin, donc, vous dirigez donc, le cabinet donc, Itimo, donc, un syndic parisien. Alors quel a été votre choix musical ? Alors moi j'ai proposé, c'est un trompettiste, Ibrahim Malouf. Eh bien écoutons votre choix musical. Thank you. Fadjet à Nancy sur 94.2. C'est plus qu'une radio. Alors avant de passer la parole à Monsieur Suti pour parler d'immobilier professionnel, comme nous avons devant nous des étudiants, alors on va évoquer donc les bailleurs sociaux, donc, parce que l'un des points faibles des bailleurs sociaux, c'est justement l'accueil des étudiants dans leur logement. Est-il envisageable pour les bailleurs sociaux d'en accueillir davantage à l'avenir, Monsieur Sisla? Alors effectivement, c'est une des missions du logement social que d'accueillir les jeunes et notamment les étudiants dans le logement social. Alors force est de constater effectivement que depuis une trentaine d'années, cet accès est quand même de plus en plus compliqué. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Encore une fois, moins de rotation dans le parc parce que les locataires ont plutôt tendance à rester dans le parc social. Et puis, une autre raison aussi, l'accès à un emploi stable CDI est de plus en plus éloigné dans le temps. Aujourd'hui, il est autour de 27 ans, donc c'est aussi un des freins qui existe. Alors, bien sûr, les bailleurs sociaux se mettent en ordre de mouvement pour répondre à la demande. Il faut savoir qu'en France, il y a 2,8 millions d'étudiants, dont 700 000 boursiers. Donc 700 000 boursiers, c'est bien évidemment une cible préférentielle pour les bailleurs sociaux. Donc bon, nous proposons des logements classiques en location, en colocation. Il y a aussi, je dirais, des résidences jeunes actifs, des résidences sociales. La loi Élan aussi permet depuis 2019 des baux d'un an renouvelables pour les jeunes en mobilité. Donc il y a un certain nombre de dispositifs qui sont en place. Il y a des accords aussi. En 2020, il y avait un accord qui a été signé très important entre les présidents d'université, les CROUS et l'Union sociale pour l'habitat pour développer du logement étudiant en France. Encore une fois, moi, je milite pour le fait qu'il faut déjà bien connaître la demande aussi localement. Donc les observatoires de la demande précise ne sont pas pléthores en France. Il existe un excellent observatoire ici sur Nancy. Et je crois beaucoup aussi aux solutions locales. Je vais militer pour ma paroisse. Nous avons été approchés en 2017 par la métropole du Grand Nancy pour trouver une solution pour le GEC. Vous connaissez le GEC à Nancy, c'est une institution. On s'est porté acquéreur de cet ensemble immobilier pour le transformer. Donc il y a 130 places de logements étudiants qui vont être livrées entre la rentrée universitaire de septembre 2022 et celle de 2023. Donc des logements qui sont remis au goût du jour avec du service. Et quand je dis qu'il faut trouver des solutions locales, donc la solution, elle est politique. Il faut une volonté politique. Elle existe, en l'occurrence, sur le Grand Nancy. Et un gestionnaire. Et là, c'est la MGEL qui sera gestionnaire. Donc les solutions, elles peuvent être trouvées. Mais il faut la conjonction des acteurs localement par rapport aussi à l'identification des besoins locaux. Et c'est vrai que la réponse locale en matière de logement, c'est, je crois, un des enjeux importants pour essayer de résoudre certains donc problèmes. Alors Monsieur Suti, donc on va revenir un petit peu à l'immobilier professionnel. On a vu effectivement qu'il y a des espaces de bureaux qui se libèrent en région parisienne, notamment en lien avec le développement du télétravail. Et comme parallèlement il y a un manque de logements résidentiels, alors est-ce qu'on pourrait à terme envisager de transformer donc des bureaux en logements? Est-ce que c'est une solution qui est envisageable à terme? À terme, oui. Après, il ne faut pas faire de généralité. Chaque immeuble a ses caractéristiques. Il y a des immeubles qu'on peut transformer en logement, d'autres qu'on ne pourra pas transformer en logement. C'est des questions qu'on se pose déjà depuis longtemps, puisque toute la question des mises aux normes, quand on parle d'immeubles tertiaires, c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus sévère et beaucoup plus coûteux que de faire une transformation en logement, avec des prix de sortie qui sont nettement supérieurs en logement par rapport aux prix de sortie bureau. Donc oui, après, tout dépend de... Ça sera une question de demande, ça sera une question de prix, ça sera une question de volonté des bailleurs d'immeubles vides ou de propriétaires d'immeubles qui sont plus utilisés. Mais ça reste une solution, et c'est une solution qui a le mérite de reconstruire ou de conforter des bâtiments à vocation friche, ou en tout cas des bâtiments qui ne peuvent plus trouver preneur sur le marché. Oui, donc c'est une question de faisabilité technique. Ah, voilà. Alors, on a évoqué parallèlement donc la montée en puissance des espaces donc de coworking, hein, qui viennent, entre guillemets, concurrencer un petit peu l'immobilier de bureaux traditionnels. Alors, Monsieur Ragon, comment vous voyez effectivement donc l'avenir des espaces de coworking? Je suppose que vous envisagez que ces espaces vont jouer un rôle croissant à l'avenir. Oh, j'envisage rien de spécial, vous savez, moi, c'est pas mon activité principale, donc ça me va très bien aujourd'hui qu'on puisse fonctionner. C'est sûr que j'imagine que le rôle sera de plus en plus croissant dans les années à venir, puisqu'on va continuer aujourd'hui à externaliser de plus en plus les activités des entreprises. Et après, il existe deux solutions aujourd'hui pour les salariés, c'est soit de travailler directement chez eux ou de travailler dans des espaces partagés. On a eu le retour pendant cette crise sanitaire, où on a vu que l'ensemble des personnes qui pouvaient travailler chez elles, bah, finalement, ont vécu quelques regrets, quelques difficultés. Donc je pense que, clairement, les espaces de coworking ont plutôt un bel avenir devant eux, quoi. Alors concrètement, qu'est-ce que vous proposez comme service à un indépendant ou à une société qui souhaite louer chez vous un espace de coworking ? Alors, bah, c'est ce qui fait toute la différence aujourd'hui, c'est que des espaces de coworking, c'est avant tout une âme, une vie. Il faut créer vraiment une distinction par rapport à des espaces professionnels qui veulent aujourd'hui prendre un peu cette tangente du coworking, où ça a souvent été un peu compliqué à mettre en place, dans la mesure où il faut une forme d'animation. Nous, aujourd'hui, sur l'espace qu'on a, d'une part, on est en hypercentre, on est à côté de la place du marché, donc en hypercentre de Nancy. Et puis après, on propose, on a la grande terrasse avec le barbecue, on a le vidéoprojecteur, on a une cuisine aménagée, on a la switch, on est confort. Hein. C'est, l'objectif, c'est avant tout de partager un bon moment entre collaborateurs. Moi, l'objectif premier, c'était pour mon équipe. On était une équipe de 5 personnes. C'était le fait de pouvoir se retrouver le midi ou pendant les pauses et de ne pas être uniquement orienté sur des sujets professionnels. Donc ça permet aujourd'hui d'avoir des échanges qui sont souvent plus personnels, plus transverses et de créer vraiment une bien meilleure dynamique. Le vrai enjeu pour nous, c'est plutôt le confort des salariés, quoi. Alors vous avez parlé donc de localisation de vos espaces de coworking. Monsieur Collin, est-ce que dans l'immobilier professionnel traditionnel, il n'y a pas une question qui doit être mise en avant? C'est la localisation justement des espaces de bureaux à l'avenir. Alors sur la localisation des bureaux, c'est vrai qu'on l'a constaté dans les personnes interrogées. On était principalement sur des sociétés parisiennes. Donc on a eu beaucoup de retours sur principalement la troisième couronne, pour des immeubles en région parisienne qui sont relativement mal desservis et qui bénéficient de très peu de services autour, notamment de services de restauration. Les collaborateurs recherchent de plus en plus, et d'autant que ça a de plus en plus de poids auprès des dirigeants dans le choix de l'implantation de sociétés. Pendant très longtemps, le dirigeant donnait la trajectoire à la société, les salariés suivaient. Aujourd'hui, il est obligé de composer avec même des jeunes collaborateurs parce que, à nouveau, il faut garder ses bons, voire les meilleurs éléments. Il y a la partie aussi localisation. Quand on est sur des actifs qui sont, je ne vais pas utiliser le terme de passoire énergétique, on l'emploie beaucoup plus en immobilier résidentiel, mais qui ont une véritable problématique face aux décrets tertiaires et aux obligations légales, on est confronté en tant que bailleur à une problématique de coût et de retour sur investissement. Donc il est vrai qu'en fonction de la localisation, on peut être parfois tenté de parler de changement de destination pour passer du bureau à du résidentiel. Alors, avant de terminer cette émission, je vais vous poser dans quelques instants donc une question commune à tous, à savoir est-ce que vous êtes optimiste pour 2022. Mais avant, on va passer donc à la deuxième pause musicale. Alors, Monsieur Ragon, quel a été votre choix ? J'ai choisi Un homme pressé de Noir Désir. Eh bien, on écoute tout de suite votre choix musical. Des faveurs, des médias, moi je suis riche, très riche, je suis dans l'immobilier. croyez, c'est ma voix, c'est ma chance. J'adore les émissions à la télévision. Pas le temps de regarder, mais c'est moi qui les fais. On crache la nourriture à ses yeux affamés. Vous voyez qu'il demande, nous le savons avide, de notre pourriture, mieux que de la confiture. À des cochons. Fadjet à Nancy sur 94.2. C'est plus qu'une radio. Alors avant de passer à vos perspectives pour les mois à venir, alors c'est vrai que j'ai invité sur ce plateau à la fois un représentant de l'immobilier professionnel et puis un représentant des espaces de coworking. Alors donc est-ce qu'il y a plutôt une complémentarité ou vraiment une opposition, une concurrence entre ces deux espaces, Monsieur Suti, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Les deux. Oui. Les deux. D'abord parce que les coworkers en général sont de très bons clients. Pour pouvoir faire un centre de coworking, il faut d'abord acheter un immeuble de bureau. C'est le premier point. Le deuxième, dans la complémentarité, c'est quand on de plus en plus, quand on commercialise un gros immeuble, on essaye de récupérer un centre de coworking pour utiliser les parties ERP, en général rez-de-chaussée, premier étage. Et travailler en bail commercial classique sur du droit du travail dans les étages. Le premier avantage, c'est que le locataire qui a besoin de 500-600 mètres carrés avec 2-3 salles de réunion, les salles de réunion, il oublie, il est fait en coworking. Et il va les utiliser quand il en aura besoin plutôt que de les payer toute l'année. Là où on a un tout petit peu de concurrence, mais c'est de la concurrence qui est à la fois saine, profitable aux clients utilisateurs, et puis pas très grave parce que ça représente des toutes petites parts de chiffre d'affaires. C'est vraiment sur les toutes petites demandes. La demande pour 2, 3, 4 postes de bureau, y a des solutions classiques en bail commercial ou en bail dérogatoire, ce qui est quand même un peu plus simple. Mais on n'aura jamais la souplesse d'un centre de coworking. On va multiplier le coefficient d'emmerdement pour celui qui s'installe à récupérer la fibre, à avoir un abonnement EDF, à s'occuper du chauffage. Le raisonnement au poste de travail, plus la souplesse du coworking, c'est quand même un gros avantage. Et nous, systématiquement, on propose les deux. Et on travaille toujours en bonne intelligence avec les centres de coworking en local. Bon, c'est très bien, tout est fait en profit du client, c'est l'essentiel, hein, le client est roi. C'est l'essentiel. Voilà. Alors pour terminer cette émission, une dernière question à chacun d'entre vous. Quelles sont vos perspectives? Est-ce que vous êtes optimiste pour les mois à venir, monsieur Dieudonné, en immobilier résidentiel, en vente notamment? Le marché répond toujours aux demandes. Il a des hausses, il a des baisses. Ça a toujours été dans l'immobilier. Et après, c'est ses forces vives, donc ses salariés qui l'animent. Et à ce titre, je peux vous indiquer que dans l'immobilier, c'est 50% d'agents commerciaux dans nos agences. À ne pas confondre avec les mandataires qui n'ont pas de lien juridique avec leur entité. Notamment, ils sont plus en électron libre. Donc là, les agents commerciaux auront peut-être à se démarquer, à être plus incisifs pour défendre leur chiffre d'affaires, mais ils sauront évoluer avec le marché, la profession, donc sans nul doute positif. Oui. Ben, merci pour ces perspectives encourageantes. Monsieur Sisla, dans le logement social, je pense que la demande est là. La demande est là, moi je suis éternellement optimiste, donc je suis confiant pour l'avenir. Je pense que le logement social a toute sa place et fait partie effectivement des fondements de la République. C'est un élément de cohésion sociale extrêmement important. Je reste néanmoins attentif à ce qui va se passer l'année prochaine dans les échéances électorales à venir. Et je souhaite ardemment que l'immobilier au sens large ne soit plus considéré comme une rente, mais comme un investissement et qu'il retrouve toute sa place qu'il doit avoir dans notre société. Mais optimiste, bien entendu. Très bien. Et Monsieur Collin, vous, en tant que syndic professionnel, je suppose que les syndics sont amenés à jouer un rôle important de plus en plus en tant que conseil, y compris aussi en tant qu'administrateur de biens, pour la rénovation. En termes de rénovation et même globalement, c'est vrai qu'on attend de plus en plus des syndics et administrateurs de biens du conseil. Les mandants attendent de notre part une qualité de conseil et de les accompagner sur du long terme, donc sur les problématiques auxquelles ils font face. En matière d'immobilier résidentiel ou tertiaire, on constate que les rénovations énergétiques sont au cœur de leurs préoccupations. On l'a évoqué notamment concernant les étiquettes des DPE et des conséquences possibles, mais aussi en matière de copropriété, puisque même lorsque l'on a un conseil syndical ou des copropriétaires qui ont la volonté d'avancer sur ces problématiques. Ils sont assez perdus, malgré tout, sur les aides, subventions, prêts à 0% ou TVA à taux réduit dont ils peuvent bénéficier. Le syndic a une véritable plus-value dans l'accompagnement, et c'est aussi par là qu'on peut tirer la profession vers le haut pour se distinguer des différentes formes de syndic ou mode coopératif qui prennent naissance. Très bien. Alors, en termes d'immobilier professionnel, on espère que la crise sanitaire est vraiment derrière nous. Donc, M. Suti, immobilier commercial de bureau, on espère maintenant une reprise de l'activité pérenne. La reprise, elle s'est déjà exprimée par la demande. Donc, on retrouve des grandes demandes de bureaux qu'on n'avait pas vues du tout pendant toute l'année dernière. On a une grosse activité aussi, on n'en a pas parlé, sur tout ce qui est locaux d'activité et surtout la logistique. Parce qu'on s'est rendu compte l'année dernière que la logistique était un élément totalement indispensable à une vie normale. Et ça a vraiment aidé beaucoup, beaucoup de monde. Les demandes sont très, très fortes, tant chez les utilisateurs que chez les investisseurs, d'ailleurs. Et Monsieur Ragon, pour le mot de la fin, je pense que pas de difficulté non plus, de perspective de débouchés pour les espaces de coworking, même si la concurrence monte. Non, c'est sûr que je suis aussi très optimiste. Et puis vous posez la question à vos anciens étudiants, savoir s'ils se plaisent aujourd'hui dans leur travail. Je pense que tant que le cadre de vie aura une place prépondérante, une place importante, pardon, dans la vision professionnelle des personnes, ça sera toujours croissant, quoi. Très bien, voilà, si s'achève cette émission de l'Instant Éco, donc délocalisée donc, au lycée Georges Latour à l'occasion de la journée de l'apprentissage en association donc, avec le Greta de Nancy. Donc merci Valentin pour la gestion de la partie technique. Et pour terminer, on va terminer en chanson, parce que Monsieur Dieudonné, vous n'avez pas donné votre coup de cœur, donc pas de jaloux. Oui, mon coup de cœur, c'est, moi je suis président de chambre, donc c'est un président de chambre n'a pas de coup de cœur, il aime tout et tout le monde. Donc c'est parfait. Plus une balade de charme pour apaiser le marché. Très bien. Terminons par cette balade. Bonne semaine à tous et n'oubliez pas donc de rester fidèles à Radio Fadjet. Now this might